La direction d'édition des timbres d'État de la Corée a fait paraître deux timbres individuels présentant l'usine de transformation de maïs de Pyongyang et la rame de métro. Les timbres montrent le panorama de l'usine de transformation de maïs de Pyongyang construite en toute modernité et la rame de métro fabriquée par les ouvriers du complexe de locomotives électriques Kim Jong-tae à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée.